regarder passer, c'est parler de nos aïeux, comme s'ils n'avaient jamais été vieux. Thank you. Da da da. Thank you.